Bonsoir à vous, chers auditeurs, auditrices, et merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici tout de suite le sommaire. Une pluie torrentielle qui s'est abattue ce samedi sur la colline Kagouruti de la zone Louboné a causé la mort d'une personne et la destruction de plus de 20 maisons et de 3 salles de classe. Le chef de zone appelle à l'aide. La situation à Chibitoke nous sera décrite dans cette édition. Godefroy Nionidigiye, le nouvel administrateur de la commune Kayanza, depuis l'après-midi de ce dimanche. Ça faisait 2 mois que cette commune était dirigée par l'administrateur par intérim. Et le manque de moyens financiers, la culture burundaise sont quelques-unes des barrières qui empêchent les filles et femmes à se présenter aux élections. Vous entendrez les propos de Godeliève Manila Kiza, directrice générale de l'association des femmes rapatriées du Burundi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue Godefroy Nionidigiye, le nouvel administrateur de la commune Kayanza depuis l'après-midi de ce dimanche. Il a été voté à 30 voix parmi les 47 des membres du conseil communal qui avaient siégé. La commune Kayanza passait plus de 2 mois avec l'administrateur par intérim après la suspension de ses fonctions de l'ancien par l'ordonnance du ministère de l'Intérieur. Le nouvel administrateur communal était jusque-là directeur général du complexe Théicole de Gouégoula. On reste dans la province Kayanza pour parler éducation. Les directeurs d'école à régime d'internat disent être réjouis de l'augmentation des frais de subsides par le gouvernement via le ministère de l'Éducation nationale. Les élèves indiquent aussi qu'il y a eu une nette amélioration par rapport aux années scolaires antérieures. Les directeurs demandent cependant que ces frais soient augmentés davantage, expliquant que les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont augmenté sur le marché. Désiré Ratungimana, directeur provincial de l'éducation, suggère aux responsables des établissements à régime d'internat d'exploiter les champs d'école pour complémenter ces frais de subsides. Patrick Nzengiyumba. Les directeurs d'école à régime d'internat à Kayanza qui disent se réjouir de la décision du ministre de l'Éducation de revoir à la hausse des frais de subsides destinés à nourrir les élèves sont surtout Juvenal Mbonihanguye, directeur d'ILSE Kayanza, et Frère Kraven Douibona, directeur d'ILSE Gatala. Ils indiquent pourtant que les prix des produits alimentaires continuent à grimper au marché, d'où ils demandent au gouvernement burundais de continuer à cette même lancée dans l'augmentation des frais de subsides afin de permettre aux établissements scolaires à régime d'internat de nourrir convenablement les élèves. Les mêmes directeurs indique qu'ils exploitent aussi les champs d'école pour compléter ces subsides afin de mieux nourrir les élèves. Les élèves qui sont scolarisés à l'internat contactés ont indiqué qu'il y a un léger mieux cette année scolaire quant à l'augmentation de la quantité des repas, ce qui leur permet d'après eux de bien suivre les apprentissages. L'augmentation des frais des subsides pour les élèves de l'internat est aussi appréciée positivement par Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza. Cette autorité scolaire provinciale à Kayanza demande au directeur des écoles à régime d'internat d'exploiter davantage les champs des écoles afin de compléter ces frais de subsides pour bien nourrir les élèves. Signalons que les subsides ont passé cette année scolaire à 1 409 francs cette année scolaire en cours. Au moment où l'année scolaire passait, ils étaient à 900 francs. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à toi Patrick Nsengiyumva. La diminution des produits pétroliers ne peut pas influencer celle des autres besoins de la population dans le transport en commun. Avis de l'Association des consommateurs du Burundi, une semaine après la revue à la baisse du prix de l'essence à 100 francs bout et du mazout à 160, se référant à la baisse des prix de ces produits sur le marché international. Pierre Ndouaille, président de l'ABUCO, apprécie cependant la mise en application de cette promesse par le gouvernement. Il appelle ce dernier d'œuvrer dans la même voie chaque fois que de besoin. Suivez-le. La récente diminution des prix à la pompe de carburant est une mesure que nous avons accueillie avec un soulagement, bien que le niveau de baisse n'est pas du tout très très important. Tenez-vous que 200 francs par litre, c'est très peu, et de façon que ça ne va pas du tout avoir une incidence positive sur les prix sur les marchés et surtout les biens et services qui avaient vu leur prix augmenter au mois de juillet quand le gouvernement a revu à la hausse hausse dans des proportions vraiment très très grandes, de plus de 1000 francs par litre, ce qui avait impacté négativement les prix des transports des biens et des services, mais aussi les prix d'autres d'arrêt sur le marché. Mais au niveau de la banque, quand même, c'est un bon espoir parce que nous voyons que le gouvernement suit de près la commercialisation des prix de carburant sur le, prix, sur le plan international, ce qui nous fait dire que si demain la chute continue à se lever, il n'y a aucun doute que le gouvernement va aussi prendre des mesures conséquentes, ce qui fait qu'en tout cas, à court ou à moyen terme, ça pourra avoir des effets positifs, des retombées positives sur les prix des biens et services sur le marché. Au niveau de la BOCO, ça va aussi nous permettre de suivre la situation de près et pour que quand la situation continuera à avoir de l'embellie sur le plan international, nous allons rappeler au gouvernement de suivre la mesure qu'elle s'est fixée, de modifier chaque fois à la baisse quand les prix baissent, mais aussi modifier à la hausse quand les prix haussent sur le plan international. Parlons politique à présent. Le manque de moyens financiers et la culture burundaise sont quelques-unes des barrières qui empêchent les filles et femmes à se présenter aux élections. Propos de Godelieve Manirakiza, directrice générale de l'Association des femmes rapatriées du Burundi. Elle l'a dit ce vendredi lors d'un forum régional qui a rassemblé les femmes venues des pays membres de l'East African Community. Suivez Godelieve Manirakiza. Actuellement, je dirais que les défis sont là, mais ça n'empêche pas la femme à participer dans les élections. C'est plutôt une barrière à se faire voter. Vous savez que la culture burundaise est une des barrières qui peut empêcher la femme à se présenter dans les élections. Parce que participer dans les élections est exigeant. Il faut des moyens, il faut une détermination. La femme a une détermination, mais ses moyens peuvent être un blocage pour que la femme puisse participer complètement. Un autre défi, c'est le cadre légal. Le cadre légal, c'est les lois ou les dispositions qui sont là et qui reconnaît notamment la constitution de la République du Burundi, qui reconnaît un quota d'au moins 30% de la représentativité des femmes. Mais malheureusement, ces 30% ne sont pas appliqués sur les collines. Donc là où la loi est claire, là où le quota est mis dans la loi, c'est facile à s'y référer pour réclamer même ses droits. Mais là où la loi est muette, c'est là où la femme n'est pas bien représentée et ce qui l'empêche de bien participer dans les élections pour se positionner. C'est une barrière. Alors, un autre défi, c'est ses moyens économiques, ses moyens financiers qui l'empêchent à progresser, qui l'empêche à se donner à ce processus électoral pour se positionner parce qu'elle doit avoir des moyens financiers suffisants pour aborder la campagne électorale. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro en ligne sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales Facebook et sur Isanganiro, Radio-Télévision Isanganiro RTI et sur XRT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, une personne est morte sur la colline Ngoma. Plus de 20 maisons et 3 salles de classe ont été détruites suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues l'après-midi de ce samedi sur la colline Kagurutsi de la zone Lubona, commune Mugina, dans la province de Chibitoke. Samuel Kubwimana, chef de zone Lubona, plaide pour l'assistance des familles touchées par ces intempéries. C'est un élément de Jackson Barati qui est lu par Jean de Dieu Ilakozé. Cette personne morte est une femme qui était en train de labourer son champ, se trouvant sur la colline Ngoma. Elle a été emportée par les courants d'eau avec un glissement de terrain. Les informations fournies par le chef de zone Rubona indiquent que cette personne aurait été jetée dans la rivière Ruwa. Samuel Kubwimana indique que cet incident aurait été causé par les pluies torrentielles mêlées à de vents violents qui se sont abattus samedi dans l'après-midi sur la colline Kagurutsi de cette zone dans la commune Mugina de la province province Cibitoke. D'après cette autorité locale, la population de cette zone a cherché toute la journée la dépouille de cette femme dans cette rivière, mais en vain. Kubgimana Samuel dresse un bilan de dégâts matériels de plus de 20 maisons et 3 salles de classe détruites et des hectares de champs de culture endommagés jusqu'à ce jour inconnus. Il plaide pour l'appui des victimes de ces intempéries. Selon toujours cette autorité locale, plus de 300 maisons et 9 salles de classe ont été détruites et des hectares non encore connus des champs de culture endommagés ont été occasionnés par ces intempéries dans une période d'un mois et dans cette zone Rubona. Merci à Jackson Bahati, agent de Dieu, il a causé parlant toujours environnement. 1000 plantes d'eucalyptus ont été plantées ce samedi sur la colline de Tiazan, commune Kayokwe de la province Mgaalo, par des jeunes regroupés dans une association nommée I Give West Africa de Bujumbura. Des essences autochtones ont aussi été plantées sur cette colline et dans les enceintes d'un site touristique. Le chef de la colline de Tiazan, Jean Berkmas Nzohabunayo, dit que des phénomènes de destruction de l'environnement, comme des feux de brousse, s'étaient remarqués sur cette colline au cours de la saison sèche dernière. Laurent Dikulio. Selon Jean Bekimans Nzohabonayo, chef de colline Rutiazo en commune Kayokwe de la province Moaro, sur cette colline, 4 hectares ont été emportés par des feux de brousse au cours du mois d'août dernier. Il souligne que des gens qui coupent des arbres pour étendre les espaces cultivables ainsi que des coupes illégales d'arbres se remarquent sur cette colline. Il précise qu'ils ont déjà pris des mesures pour endiguer ce phénomène. Ce samedi, 1000 plants d'eucalyptus ont été plantés sur cette colline par des jeunes regroupés au sein de l'association nommé I Give East Africa de Bujumbura. Ce type d'arbres ainsi que des espèces autochtones ont été plantés par ces jeunes sur cette colline et dans les enceintes du site touristique nommé Héritage éco-culturel de Karambi Kwamiganda, construit sur cette colline. Jocelyn Baragengana, responsable de cette association, conseille à la population de cette colline de sauvegarder l'environnement. Pour lui, il est facile de détruire toute une forêt avec une allumette, mais sa reconstitution exige plusieurs années. Perpétue Miganda, fondatrice et coordinatrice du site Héritage éco-culturel d'Okarambi Kwamiganda, érigé sur cette colline de Lutiazo, dit que le respect de l'environnement fait partie de la tradition burundaise. Elle souligne en plus que, dans le passé, certaines plantes d'essence autochtones servaient de médicaments pour certaines maladies. La coordinatrice de ce site, tout comme le chef de la colline Lutiazo, salue la contribution de ces jeunes dans la préservation de l'environnement sur cette colline. De moi, Laurent Dikoli, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le radis est riche en vitamine C, en zinc, phosphore et du sodium qui multiplie l'énergie pour l'organisme, qu'il soit rouge, noir ou blanc. Le légume à sa racine présente de nombreux avantages nutritionnels. Selon Jean-Paul Ouinez, chercheur nutritionniste, sa forte teneur en composés lui permet également de stimuler le système hépato-biliaire et pulmonaire. Chronique nutrition signée Jean-Marie Mayonga. Le radis est un légume dont les propriétés sont bénéfiques pour la santé. Dans la chronique nutrition du dimanche passé, le chercheur nous a parlé des vitamines qui se trouvent dans ce légume et ses rôles dans l'organisme. Aujourd'hui, ce chercheur Jean-Paul Ouinez va nous parler d'intervention du radis dans le fonctionnement du foie. Il précise que le radis est faible en calories, mais riche en vitamines C et B9. Il commence à nous décrire comment est le radis. Le radis, c'est une racine de la plante de radis, faite Rafanis sativus. Plante herbacée de la famille des crucifères, la racine présente une forme sphérique, conique ou cylindrique. Il est habituellement de couleur rouge, bien qu'il existe aussi des radis blancs et noirs. Dans ses compositions, Jean-Paul Ouinez dit qu'il est composé de plus de 90 grammes d'eau, mais ne contient pas assez de protéines. Le radis est composé jusqu'à 95%, dont la plupart qui composent des radis, c'est de l'eau. Mais il ne contient presque pas des protéines qui égalent 0,6% et des graisses qui égale 0,54%. Et son pourcentage en hydrate de carbone est également faible, égal 1,99%. Il est aussi très pauvre en provitamine A et en vitamine du groupe B, à l'exception des folates, dont il contient 27 microgrammes par 100 grammes. En fait, il n'apporte pas de la vitamine E. En fait, si vous cherchez de la vitamine E, vous ne pouvez pas quand même faire recours au radis. Ce chercheur explique également qu'en cas de problème hépatique et de sinusite, il faut consommer beaucoup plus de radis. En cas d'infection hépatique et biliaire, il faut faire recours au radis puisque c'est un bon légume qui va vous aider à trouver beaucoup des solutions en cas de problèmes hépatiques ou biliaires. Des inflammations de sinus, que des problèmes sinusites ou bien les rhinopharyngites ou bien ainsi de suite, là, tu peux faire recours aux salades de radis. En cas aussi de troubles digestifs, de type fonctionnel, c'est-à-dire en cas de la digestion lente et lourde, là aussi, il faut utiliser des radis. En cas aussi de sinusites et aussi des bronchites, il faut faire recours au radis. Vous verrez des personnes qui sont bouchées quelquefois en cas de changement de climat ou bien de changement climatique. Quelquefois, ces personnes sont bouchées dans les nez. Là, il faut faire recours au radis. Le radis est originaire d'Asie. Même au Burundi, les radis sont cultivés. Merci à Jean-Paul Louis Neza et à Jean-Marie Mayonga pour cette chronique. C'est par cette même chronique que s'achève cette édition. Merci à vous qui l'avez écouté avec intérêt. Merci à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde à la présentation de Rebingabide. Bonne soirée et bonne fin de semaine. Au revoir.